Ma jeunesse a connu dans les années 61 la misère de la rue, les coups de pied au ventre. J'écrivais sur mon jean en French graffiti. I love Johnny and Dean par vengeance, par défi. Moi, je suis d'une génération de mauvaise réputation. Le tempo venait d'Amérique, mais nos cœurs restaient romantiques. On ne parlait pas d'inflation. Pour ce voyage, vont-ils mourir dans les nuages, les géants de la